Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans un épisode spécial Caprice de lecture, car aujourd'hui nous allons parler d'un événement qui va se dérouler les 15 et 16 novembre, où vous serez entourés de polars, de crimes, mais aussi d'auteurs, grâce à Isabelle Cerruti, présidente de l'association Seuil de Crime et qui a accepté l'invitation de Caprice de Lecture. Bonjour Isabelle. Bonjour Sarah et merci pour l'invitation. Ah ben merci d'avoir accepté. Je suis ravie de mettre à l'honneur pour cette 5e édition et les 10 ans de Seuil de Crime, ce salon qui va se dérouler les 15 et 16 novembre. Alors, à Nomeny, que je n'oublie pas, très important. Alors Isabelle, le salon va se dérouler donc aux dates que je viens de dire, 15 et 16 novembre. Le salon se déroule tous les 2 ans. Alors, j'imagine, et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu aux auditeurs, combien y a-t-il de temps de préparation du salon, du moment où on se donne le top départ, ou la date arrêtée dans l'agenda, d'investissement personnel, et surtout, une question importante à mes yeux, pourquoi un salon du polar ? Alors, pour répondre à tes questions, il me faut au minimum 1 an de travail. Alors déjà, le premier gros travail, c'est inviter les auteurs. Ouais. Parce que leur agenda est vite complet, ouais. Donc je vais les rencontrer, ou pour les nouveaux, je vais les rencontrer dans des salons, okay. Mais je passe beaucoup de temps sur les routes pour les voir, pour discuter avec eux, pour échanger, mais c'est un travail d'un an d'invitation, mais c'est beaucoup plus pour que je puisse aussi les inviter, ressentir les auteurs. Enfin voilà, j'ai besoin de contact, d'un contact humain assez fort pour pouvoir les inviter. Il faut qu'il y ait un vrai feeling. Oui. Il faut qu'il se passe quelque chose entre l'auteur et toi pour qu'il intègre, on va dire, oui, l'ambiance du salon. On va en parler après, justement. Si t'as pas le feeling, non. C'est compliqué. Ouais. C'est un petit salon et j'ai besoin que les auteurs se sentent bien, à l'aise, qu'ils soient en harmonie avec tout. Et c'est un salon rural aussi. Oui. Donc, c'est pas comme les gros salons où ils sont facilement invités, où ils y vont facilement. Ouais. Il faut les convaincre aussi du pourquoi de venir à Seuil de Crime. Donc, c'est un travail. Et t'es toute seule à faire ça? Alors, de ce côté-là, oui, je suis toute seule à faire ça. Toute seule, c'est toi qui tiens les rênes de ça. Il y a combien d'auteurs au maximum? Comme ça, à la louche. D'auteurs, là, il y en aura 16. Ok. Mais au maximum 20. Alors, pourquoi 20 et, ou pourquoi 16 et pas plus? Je veux que le public, quand il rentre dans la salle, fasse le tour de tous les auteurs. Au-delà de 20, les gens, ils sélectionnent les auteurs. Ouais. Et on peut louper des pépites quand c'est comme ça. Et est-ce qu'on a envie d'attendre 3 heures pour un auteur et pas voir les autres? Exactement. Ouais. Je pense que c'est le côté hyper positif de ce salon, c'est-à-dire qu'il reste à taille humaine, ce qu'il manque cruellement aujourd'hui dans beaucoup de manifestations. Investissement personnel, tu mettrais quoi? Nos limites? Nos limites. L'objectif, c'est réussir. Ouais. C'est réussir et faire plaisir au public, aux fans de polar. Ouais. C'est surtout ça, les ramener en milieu rural, ramener des grands et des petits auteurs en milieu rural aussi. Et c'est mon objectif. Et puis me faire plaisir, en fait. Ouais, donc si tu te fais plaisir, tu feras forcément plaisir au public et aux auteurs. Je crois que ça se ressent les jours J, en fait. Ouais. Le public et les auteurs, disons, s'y sentent trop bien. C'est bien organisé parce que on pense au moindre détail, comme si on aurait voulu être à leur place. Oui. Et ça, c'est important. Ouais. Ça se perd aujourd'hui, je trouve. C'est des valeurs qui se... C'est tout avec le cœur. Alors justement, il y a des grands noms, Ophélie Cohen, Jacques Saucé, Franck Tillier. Donc, comment tu fais pour les inviter? Donc, comme tu le disais, donc tu vas dire, il y en a peut-être que tu connais au fil du temps. Il y a peut-être des habitués, ça, on le verra, tu me répondras après. Mais donc, tu vas les rencontrer, tu échanges, tu trouves le temps d'échanger avec eux sur les gros salons. Et du coup, après, ça se passe comment? Moi, je suis curieuse. Peut-être trop, je ne sais pas. Alors, ça remonte à très longtemps. Hein. Par exemple, Franck, moi, je le connais depuis plus de 15 ans. En fait, depuis ses débuts, j'habitais dans le nord de la France. Ok. Et du coup, il faisait plein de petits salons. Et du coup, j'allais le voir, mais je n'osais pas lui parler parce qu'il m'impressionnait trop. Et j'étais hyper timide. Et je le suis encore. Hein, mais, et puis, au bout de quelques années, j'ai osé lui dire « Bonjour Franck, est-ce que vous pouvez me faire dédicacer vos livres et tout ?» Et puis après, il s'est instauré un lien fort. Ok. Il y a eu un vrai feeling. Il y a eu un vrai feeling, okay. Comme Claire Favan, que j'avais rencontrée, alors je ne sais même plus où, je pense que ça devait être sur un salon à Paris, à Saint-Maur en poche, oui. À l'époque. Ouais. Mais ça remonte à des années, et il y a vraiment une amitié qui s'est créée depuis, comme avec génial. Ophélie d'ailleurs, Cohen. Génial, parce que c'est des noms... Enfin voilà, moi j'ai tous leurs bouquins, je suis une fan accro de Polar, alors évidemment, moi on appuie sur le bouton on, il n'y a plus de bouton off après. Mais c'est vrai que ça peut être intimidant d'aller chercher quelqu'un pour lui dire bah, « viens sur mon salon en milieu rural ». Parce que tu dois te dire « mais pourquoi il dirait plus oui à moi qu'à quelqu'un d'autre ?» Ah bah, il faut les convaincre. Et une fois que je raconte l'histoire de Seille de Crime, j'ai jamais de nom. Ah, c'est génial. Voilà, la dernière pépite que j'ai décrochée, je l'ai rencontrée... alors, je l'avais vue sur les réseaux. Je ouais. voyais bien voilà, comment il était, tout ça, et je me dis... Je le sens bien. Je suis allée le rencontrer à la FNAC, parce qu'il faisait une rencontre à la FNAC. Okay. Coup de cœur. Coup de cœur, c'est Stéphane Schmucker. Mais il est venu dans Caprice de lecture, Stéphane. Voilà, et c'est un ah, coup c'est de cœur. Génial. Et du coup, je ne pouvais que l'inviter. Oui. Une très belle et personne, en très, plus. Très, très belle personne, oui. Ouais. Vraiment super. Ah bah, je suis ravie. Du coup, c'est chouette. Alors, un salon du polar, parce que tu aimes le polar. Parce que tu as peut-être beaucoup de gens autour de toi qui aiment le polar, est-ce que... voilà. Alors c'est parce que moi j'aime le polar, mais alors ça fait plus de 20 ans que je lis que ça. Ouais. Je sais pas lire d'autres choses. Il faut qu'on me conseille si je veux lire d'accord. d'autres livres. Mais okay. sinon polar, enfin voilà, quand je vais dans un magasin, dans une librairie, je peux aller que dans un rayon polar. Je sais pas aller ailleurs en fait. Bon. Et d'où ma passion. Partagé apparemment, parce que le salon rencontre toujours un grand succès. Pour y avoir été voilà, quelques reprises, je sais que ça rencontre un grand succès. Alors, quels seront les temps forts de ces deux jours, Isabelle ? Alors, les temps forts, ça sera donc les tables rondes, ouais. Donc avec tous les auteurs, sur des thématiques bien spécifiques, oui. voilà. Et dont une qui a été sold out en moins de 24 heures, celle de Franck Tillier. Bizarrement, mais c'est voilà. C'est étrange. Il fallait s'y attendre aussi. Mais toutes les autres, voilà, il y aura du monde, on le sait très bien, parce que ça attire. En fait, les gens, ils vont pour découvrir les auteurs et après, ils descendent à la salle polyvalente pour acheter leurs livres. Okay. Et pour discuter plus intimement avec eux. Ouais. Et. Ce qui est intéressant, oui. je trouve, c'est que pour avoir assisté au salon, alors il y a effectivement de très grands noms qui sont pris d'assaut tout de suite, mais. Ça reste hyper accessible. On peut même discuter avec les auteurs, ce qui n'arrive pas sur les très très grands salons. Ils prennent le temps de répondre à nos questions. Et ça fait presque... J'ai l'impression d'être invitée chez des gens que je ne connais pas forcément, mais qui sont contents de me rencontrer. Et si tous les lecteurs ou tous les accros de polar éprouvent le sentiment que moi j'éprouve quand je viens, bah, c'est gagné de toute façon. C'est ça aussi le deuxième temps fort, c'est la rencontre à la salle où tous les auteurs prennent vraiment le temps. Je pense que, enfin, pour l'avoir vécu, ils prennent plus le temps à Seille de Crime que dans un autre salon, même s'ils ont autant de monde. Hein. Ouais. Ils prennent plus le temps parce que c'est peut-être plus convivial. C'est pas dans le stress de vite, il faut signer un autographe, une photo suivant. C'est non. Voilà, je trouve que c'est... Ils prennent vraiment... Voilà, il y a le petit truc en plus qui fait qu'on a presque l'impression qu'on va aller boire un café avec eux juste après, quoi. On peut aussi. Et je trouve ça chouette. Et j'aimerais bien qu'on parle justement de la logistique et la décoration du salon, qui n'est pas commune du tout. Moi, je suis fan, donc forcément, je ne suis pas très objective si c'est moi qui en parle. Isabelle, explique aux auditeurs, dis-nous. Alors, je voulais qu'on se démarque des autres salons où c'est dans des salles et sur des tables et qu'il n'y a pas d'ambiance. Moi, j'avais besoin d'une atmosphère du noir. Ouais. Et je me dis, allez, on y va. Et du coup, avec le partenaire Seine et Territoire, où on peut louer du matériel, donc des gros draps noirs, une grosse... Enfin, toute la logistique que vous voyez, c'est avec ce partenaire-là. Et j'ai besoin que ça soit plus intime. En fait, quand on y rentre, on se sent bah, comme dans un salon en novembre, avec il manque plus que la cheminée et le feu de bois. Ça fait presque un peu gothique, d'ailleurs. Ouais, aussi. Parce que c'est tout noir, ça peut être impressionnant de prime abord, on n'a pas l'habitude. Oui. Non, on n'a pas l'habitude et je ne l'ai pas revu dans des salons, ça. Et je crois que c'est notre marque de fabrique et on est fiers de le faire, en tout cas. Mais ça demande beaucoup de travail en amont. Donc, c'est des petits points de lumière, comme des petites lampes, qui sont sur la table de chaque auteur. Oui. Où ils ne sont pas, je tiens quand même à le préciser, ils ne sont pas alignés en rang d'oignon, par exemple, comme on voit dans d'autres salons. C'est vraiment, il y a un espace entre chaque table. Et je trouve que ça donne ce côté encore un peu plus intime quand on a envie de discuter avec l'auteur. On a vraiment l'impression d'être qu'avec lui. On n'entend pas les autres personnes qui sont aux autres tables. C'est important aussi pour moi ça, que les auteurs aient leur espace, ils aient de la place aussi pour pouvoir discuter, échanger. Et c'est pour ça qu'on doit rester à taille humaine. Et même si j'ai des propositions pour augmenter, c'est pas ce que je veux et je veux garder l'âme du salon, en fait. C'est chouette. Merci. C'est super bien. Moi, je trouve ça très chouette. Tes partenaires historiques du salon? Alors, les partenaires historiques, eh bien, il y a notre communauté de communes Seille et Grand Couronné. Ouais. Ils s'investissent énormément pour nous depuis le début. Il y a le département de Meurthe-et-Moselle. Okay. La commune de Nomny qui nous accueille les bras grands ouverts avec tout l'aspect logistique, les salles, parce qu'il y a la salle polyvalente et la mairie qui nous prête pour les conférences. Il y a la MJC, où c'est une équipe de jeunes qui s'occupe de toute la restauration du public. Ok. Et donc, tous les bénéfices vont pour leur activité, dont un voyage en Espagne en 2026. C'est chouette parce que ces jeunes ont l'impression de faire quelque chose d'utile. Voilà. Et c'est hyper important pour moi de travailler avec du local. Ouais. Voilà. Et puis, Seine et Territoire, avec tout la location de matériel. Ouais. Voilà. Ça, ce sont nos partenaires historiques depuis plus de 10 ans. Donc, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette 5e édition? La même chose que la 4e en mieux? Que tout le monde prenne du plaisir et que des personnes qui n'aimaient pas lire ou qui n'avaient plus de plaisir reprennent le goût de lire et puis de rencontrer les auteurs, puis de découvrir des pépites. Voilà, que tout le monde prenne du plaisir en franchissant les portes. Super. Je voulais aussi féliciter et encourager les bénévoles autour de toi, parce que je pense que dans toutes les la majorité des manifestations maintenant, pas de bénévoles, c'est compliqué. Voilà. Qui est ton partenaire libraire? Alors, mon partenaire libraire, c'est la Cour des Grands, à Metz. Voilà. Donc là, ils sont dans les cartons actuellement, en train de préparer tous les livres qui vont arriver, les milliers de livres qui vont arriver. Et voilà. Si jamais des auditeurs ont des questions, est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous dire où trouver le salon Seille de Crime, qui se déroulera les 15 et 16 novembre, s'il y a des questions logistiques, comment s'y rendre, ou même d'autres questions? Alors, toutes les questions, vous pouvez me les poser sur soit Instagram, soit Facebook, en message privé. Je réponds en moins de 2 heures en général. Je suis assez réactive. Et voilà, il n'y a pas de questions taboues. Enfin, voilà, les gens peuvent me poser, parce qu'il y a beaucoup de questions sur comment rencontrer les auteurs, parce que certaines personnes ne savent pas ce que c'est un salon du polar en milieu rural. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, voilà, je leur explique. C'est vraiment une spécificité pour toi, un salon du polar en milieu rural? Oui. C'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je trouve ça important que le milieu rural soit mis en avant sur un événement comme celui-là, parce que j'en ai pas croisé beaucoup jusqu'à maintenant. Il existe plein de salons où ça foisonne, mais là, on est vraiment sur une branche de la littérature assez spécifique, quand même. Et ça marche du tonnerre. Il y a 2 ans, je suis arrivée, moi, c'était plein. Il était 10h30 le matin, c'était déjà plein. Je crois que ça sera pareil aussi. Là. Ça va être pareil, mais du coup, c'est tant mieux pour vous. Mon Dieu, c'est plein, mais ça reste hyper fluide. Ça reste hyper fluide. Je pense qu'on aura quelques difficultés, quelques temps d'attente pour Franck. Enfin, on s'en doute, vu la notoriété. En même temps, c'est Franck Tillier. Voilà. Mais on saura gérer, parce qu'on a prévu des choses exprès pour pouvoir gérer le public. Bien. Pour que ça soit plus fluide et que tout le monde vraiment prenne du plaisir. C'est le but. Et toi aussi, d'ailleurs, parce que c'est bien d'organiser, mais c'est aussi bien aussi que tu puisses en profiter. Oui, et bien là, du coup, tout le week-end, moi, je vais en profiter parce que mes bénévoles vont tout gérer de A à Z. C'est un planning qui a été fait. Et puis moi, quand il faudra qu'il y aura besoin d'aide à droite, à gauche, je serai là. Mais moi, maintenant, j'ai envie d'en profiter et c'est ce que je fais depuis 10 ans. Eh ben super, merci beaucoup Isabelle d'être venue merci au micro beaucoup. De Caprice de Lecture pour parler de cet événement qui pour moi est d'une originalité incroyable. Je vous invite tous à y venir d'ailleurs, ou le 15 ou le 16, surtout dans cette ambiance un petit peu sombre comme ça. Ça fait un petit peu mystère, suspense, on est pile dans le thème et puis surtout ça nous permettra aussi de découvrir Noménie. Oui, tout à fait. Ça, c'est très intéressant. Je vous souhaite de très belles lectures, polar ou pas. Et je vous retrouve très vite pour de nouveaux Caprices de Lecture. À bientôt. Au revoir. Au revoir.